Elle est au-dessus des autres, juste tu la vois et t'en perds tes mots. Elle a beaucoup de flow, elle est aussi belle de face comme de dos. Non je n'étais pas prêt, je suis piqué, ouais je suis en love. Non je n'étais pas prêt, j'ai passé la nuit carré à ses côtés. Tu veux parier, je vais la marier. Elle m'a mis d'accord, je ne peux pas le nier. Et vivons cachés, tu veux voyager. Elle m'a changé, tu ne peux pas t'imaginer. J'ai rien vu venir, j'en suis devenu accro. C'est impossible de m'en aller. C'est comme si la vie m'avait fait un cadeau. J'ai l'impression de rêver. C'est plus fort que moi, ouais je suis en love. Elle est dans ma tête, je ne peux pas l'enlever. C'est plus fort que moi, ouais je suis en love. Y'a que elle et moi, je crois que je suis piqué. C'est plus fort que moi, oui je suis en love. Il est dans ma tête, je ne peux l'enlever. C'est plus fort que moi, oui je suis en love. En love. Elle est en love, en love, en love, en love, en love. Il est en love, en love, en love, en love, en love. Par cœur je la connais. C'est plus fort que moi, ouais je suis.